Chapitre 22e. Delcy était repartie pour Fairview le lendemain matin en compagnie de Morton, qui tenait à la ramener chez elle. En vain avait-on cherché à la retenir jusqu'à midi à Tingley Manor, en lui disant que Sir Everard ne pourrait être de retour avant cette heure-là. Elle n'en avait pas moins tenu bon, prétendant qu'il n'était pas impossible que son père eût voyagé la nuit. C'est une décision qu'il n'aurait prise qu'en cas d'urgence, argua tante Dora. Mais il est toujours urgent pour lui de revenir près de moi, repartit Dulcie. Il sait que je suis si malheureux sans lui. Vous m'excuserez de vous parler de la sorte, ajouta-t-elle, car vous savez que mon père m'a entouré de tant d'affection que nos deux existences n'en font pour ainsi dire qu'une. Morton prit un air grave, se disant une péto. Si Dulcie était appelée à choisir entre son père et moi, je ne puis me faire d'illusions sur celui qu'elle sacrifierait. Arrivé à Fairview, il demanda à Dulcy l'autorisation de passer avec elle la matinée, mais elle l'engagea à rentrer à Tingley Manor, lui disant que Sir Everard pourrait revenir d'un moment à l'autre et qu'il préférait peut-être la trouver seule. « Je vois bien, dit Morton avec humeur, que je ne compte plus quand votre père est en cause. Me permettrez-vous au moins de revenir dans la soirée ?»« Parfaitement. Mon père aura eu le temps de se reposer et il sera enchanté de vous revoir. »« C'est à savoir. » riposta Morton. « Du reste, tout ce que je souhaite, c'est que ma visite vous soit agréable. » Après s'être embrassés, ils se séparèrent. Dulcy s'occupa de parer de fleurs tous les appartements pour le retour de son père, puis elle se mit au piano, espérant que la musique serait pour elle une distraction. Mais elle s'arrêta au milieu d'un morceau, se dirigea vers la fenêtre, regardant, à travers une éclaircie, le point d'où elle espérait voir paraître la voiture de Sir Everard. La journée se passa dans cette attente, et à l'heure du crépuscule, Sir Everard n'était pas encore de retour. Un laquais vint dresser près du feu la table à thé, et devant ses préparatifs, en vue du retour de son père, Dulcy sentait d'autant plus le poids de sa solitude. Enfin, le bruit d'une voiture roulant autour de la cour d'honneur l'attira bientôt de perplexité. « Cher père, dit-elle à l'arrivée de Sir Everard, comme vous rentrez tard, et comme vous voilà pâle et fatigué, venez vous asseoir près de la cheminée. Je vous servirai une bonne tasse de thé qui vous fera du bien. » Ainsi que toutes vos compatriotes, cher Dulcy, vous voyez dans le thé une panacée universelle. Ah, que ce breuvage n'a-t-il pas la même puissance que les eaux du laitier ? Comment, vous consentiriez à m'oublier, cher père ? Ah, le laitier lui-même serait impuissant à me faire oublier vos tendresses, vos bontés pour moi. Parlez plutôt de ma gratitude. Permettez-moi maintenant de vous demander si je puis savoir quelle grave affaire vous a obligé à me quitter si brusquement. Nous en reparlerons tout à l'heure, ma chère enfant. Comme je crains de vous faire de la peine, je ne suis pas pressé de m'expliquer. Racontez-moi plutôt l'emploi de votre temps depuis mon départ. Dulcy fit à son père le récit détaillé de tout ce qui s'était fait à Fairview et à Tingley Manor pendant son absence, sans omettre aucun incident, la valse et la soirée de Noël. J'ignorais, dit-elle à son père, que Morton et Lady Frances fussent de si grands amis. Je ne le soupçonnais pas davantage. Ne la trouvez-vous pas fort jolie ? Elle brille par un grand air de distinction plutôt que par la beauté. Puis son originalité la rend très séduisante. Il m'étonne qu'elle n'ait pas déjà fait un grand mariage. Peut-être a-t-elle au fond du cœur quelque passion malheureuse, quelque amour non partagé ? C'est là une question qui ouvre un large champ aux suppositions. En résumé, cela ne vous regarde pas. Et ce qui me préoccupe bien davantage, ce qui met mon esprit à la torture, c'est de deviner quelle est la grave affaire qui vous a rappelé à Londres. C'est une nouvelle qui doit me faire de la peine, dites-vous. Si vous n'y êtes pas directement intéressé, elle ne saurait pourtant m'être qu'indifférente. Malheureusement, ma chérie, elle me concerne. Dulcy regarda son père d'un air grave, en pâlissant à vue d'œil. C'est alors d'une paire d'argent qu'il s'agit, dit-elle. Ah, je m'en consolerai bien vite, si je puis encore vous rendre heureux. Non, ma chère enfant, ce n'est pas de ce côté-là que la fatalité nous atteint. Qu'y a-t-il de grâce, mon père ? Parlez ! Dulcy, à genoux contre le fauteuil de Sir Everard, serrait entre ses mains celle de son père. Le feu jetait sur le visage blême de Dulcy des lueurs vacillantes. Vous savez, mon enfant, que depuis 3 ans je me plains de ma santé. Mes forces diminuent de jour en jour, j'ai perdu toute activité. L'exercice m'est devenu une fatigue. Ne pouvant douter qu'il y eût chez moi quelque désordre organique, quelques germes laitifères, j'ai pris le parti de consulter à Londres une des sommités du corps médical un spécialiste pour la maladie dont je me crois atteint, et n'a fait que confirmer mes pressentiments. Le cœur et les poumons sont gravement attaqués, mais avec des soins, on peut écarter le danger et prolonger mes jours. Ah, mon père chéri, mon père bien-aimé, s'il ne faut que des soins pour vous conserver à mon amour, vous vivrez aussi longtemps que je vivrai moi-même. Que vous a-t-on ordonné? Quel traitement devez-vous suivre? Hélas, quand vous le saurez, mon enfant, qui sait si vous serez toujours aussi disposé à me prodiguer les trésors de votre sollicitude et de votre dévouement? Parlez au nom du ciel. D'abord, il m'est interdit de ne plus jamais passer l'hiver en Angleterre au risque d'y mourir. Le docteur Randall m'ordonne de partir tout de suite pour le midi de la France. Peut-être même faudra-t-il pousser jusqu'à Alger. Quand partons-nous? Demain? Ce soir? Pensez, Dulcie, à l'éloignement. Pensez à Morton. Et dites-moi si, après réflexion faite, vous consentez réellement à me suivre et à venir avec moi. Mais certainement, mon père. Non pas seulement dans le midi de la France, non pas seulement à Alger, mais au bout du monde, dit-elle en cachant son visage inondé de larmes contre la poitrine de son père.